Il y a combien de temps que ton mari est parti en France? Il y a 12 ans. Mais c'est pour moi qu'on voyait d'aller. C'est facile. Ficou lá no meu braço um tempo, morto, morto. Até chegou, ficou debaixo, até ao pé de umas ovelhas. Ali, a fechar, de nuit, de nuit passava de noite para aqueles caminhos largos, perto de um rio, ou para lá, não sei o quê. A mãe marchava avec um homem que ia com eles, dizia-te no rumo de uma velazinha à frente. Eu lembro-se que ia cheio de vivo, que eram muitos. E eles chegou, chegamos lá, quando tivemos esconder, que j'ai reçu des lettres de la police, pois, parce que c'est la fin de lui. Chegaram lá, les lettres, quand il est rentré, je nous ai dit, non, mais autre semaine, j'ai qu'il y a eu. Et puis aussi, vous savez, il a supporté sur les bonnes lettres, et aussi la raconte de l'argent pour nous élever les enfants. Pour que t'y ait passé, algumas coisas, et si on ne gagnait pas assez pour lui. Ça veut dire que ça allait être très bon. Et pour là, il est arrivé à Lyon, j'ai donné une éducation à mes enfants pour les arracher à la maison. Et il va aller à Roumaine et moi à Roumaine. Et il va là, il va trop travailler. Parce que j'ai donné quatre mes filles, qu'il a de la labourée, assez comme que pour nous andar no sacrifice que eu ando, mais o pai. Mais eu tenho trabalhado muito na labourée et tenho tido pouco resultado. E assim gosto de aprender a tirar bocadinhos poucos cartões, porque acho que é melhor do que a gente andar a manhã só. E eu venho com a minha amanhã, eu venho para não deixar em baixinho. Como é que vai esse dinheiro todo, esse trabalho todo, as pessoas tiveram o tempo todo? Como é que esse dinheiro, esse trabalho que nós fizemos há tanto tempo? Dans les poches de qui va ce travail? E quem vai servir para o poder do capitalismo? Olha, o mundo vai fazer farinha e tudo. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ceux qui vendent de la farine et des aliments pour le bétail gagnent beaucoup d'argent. Ils sont venus à la coopérative pour acheter tout notre produit. Alors finalement, qui fait les profits? Ce sont les négociants et les intermédiaires. C'est eux qui se remplissent les poches. Et nous, le peu qu'on gagne, c'est pour l'employé. On voudrait élever un peu de bétail et on n'a pas d'argent pour acheter les mots. On ne peut donc pas élever les animaux. Vous allez le bétail, mais eux vont gagner plus sur un sac de farine que vous sur la bête que vous allez vendre. Je ne gagne pas sur le bétail. Et en plus, il faut voir que le travail que ça demande. Et ils ne sont pas tous comme vous. Ils sont dans leur bureau et regardent où ça va la farine. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils gagnent 3 ou 4 fois plus. Eux, ils sont riches, moi je suis encore pauvre. Et certains d'entre eux n'ont rien dans le plat. Ils gagnent 15 balles de reste par sac, quand ils ne gagnent pas 25 000 ou plus. C'est pour ça que nous n'arriverons jamais à avoir quoi que ce soit. Nous avons juste pour nous rendre à soi. E essa verdina, havia andavam a dar, aos que tinham muitos dinheiros, davam-lhe mais ordenado, mais dinheiro. E aos pobres não tinham pouco. Les négociants achètent la résine plus chère à ceux qui ont beaucoup de pain. Et à ceux qui en ont peu, ils payent moins cher. À nous, ils payent des prix plus bas. Ils ne veulent pas courir d'une pile à l'autre. Est-ce que c'était de notre faute si nous avions beaucoup de pain? Aux riches qui ont de grandes pinèles, les marchands achètent la résine plus chère. C'est de la résine, hein, de pain. C'est dit comme ça.